C'est mon cœur qui fait des ouh. Non, pas un autre. Mais fera pas les rames, pas le droit à faute. Si on accepte, on sera le seul pilote. Pour faire fly en moi loin, loin, loin. Dans mon univers, l'amour. Nous sera plus fort. C'est mon cœur qui veut des ouf.